est-ce que vraiment on n'est pas capable d'assumer le réel, d'assumer le vide et le silence, qu'on a besoin de se surstimuler? Est-ce qu'on a réellement besoin de toujours, comme si l'univers n'avait pas fait le système nerveux humain pour qu'il soit en capacité de capter certaines choses? Si l'être humain a des centres fermés, c'est pour le protéger, mais pourquoi? Comment ça se fait? S'il était capable d'entrer en syntonie avec ces choses-là, ça s'ouvrirait tout seul. Pourquoi s'altérer avec toutes sortes de choses? L'être humain n'est pas capable d'être à froid. Je veux dire, le réel, ça se prend à fret. Il faut regarder les choses en face à froid. C'est là que la capacité augmente.